le latin est riche, plus que mon tailleur anglais. Quelle autre langue offre en effet autant de richesses que le latin et la culture à laquelle il est lié, avec le nombre incalculable de ses productions littéraires, historiques, scientifiques, juridiques, politiques, diplomatiques et religieuses? Mais le latin, en France du moins, s'est malheureusement pour lui, hier, et pour nous aujourd'hui, trop facilement trouvé enfermé dans la sphère scolaire et dans la sphère religieuse de l'Église catholique romaine. Il nous reste toujours de nombreuses traces du latin d'Église, notamment dans les cantiques chantés dans le monde entier, et pas uniquement dans des églises, loin de là, les Ave Maria, Requiem et autres Te Deum, et dans la langue de l'Église catholique romaine, celle des textes officiels qu'échangeaient, jusqu'au siècle dernier, plus de 5000 évêques et plus de 400 000 prêtres, en particulier les fameuses bulles et autres encycliques papales, dont les deux ou trois premiers mots servent de titre de référence dans le monde entier. Et le latin reste une des quatre langues officielles du Vatican, à côté de l'italien, de l'allemand et du français. Mais laissons de côté le latin d'Église et intéressons-nous à ce latin qui, depuis au moins César et Cicéron, n'a cessé de s'enrichir de quantités d'œuvres sérieuses ou ludiques, assurant ainsi sa pérennité.